Ok, ok, ok. Un. Tu l'en direct. Ok. J'ai passé ma vie avec des mecs qui ont du vice et qui volent. Fidèle au poids, ça préfère le béton à ses folles. Hein, c'est pour mes frères en tol, pas ceux qui collent. C'est pour ceux qui gardent la tête sur les épaules, même sous un col. Ouais, c'est pour ceux qui m'aiment, ceux qui vont m'aimer, ceux qui me détestent. C'est pour tous les jaloux et tous ceux qui veulent me tester. Ouais, j'entends des trucs, ça me plaît pas. Je me lève énervé, je me suis fait seul, faut que j'avance, je dois me démerder. Dans le game en claquette, mon 50 dans la sacoche. Au moins, crée que je paquette, dis au faux cul qui s'accroche. C'est pour ceux qui lèvent la moto comme personne. Ce qui manie l'arme comme la sonne. C'est pour les bons, les mauvais garçons. À part ça, je suis en train de faire mon équipe comme celle du Barça. Toujours présent pour mettre le feu à Bercy. Ouais, je suis dans les zones, je suis dans ta maison. Quand tu vas au taf, quand tu vas au sport et même en prison. Et c'est pour ceux qui ont le bras scellé. Pas pour ce qui passe, les menants, tes pinces. C'est les jeunes qui n'ont pas le cerveau étincelé. Tu veux l'agir, mais elle fait que t'harceler. Elle est magnifique, mais maléfique. Fais gaffe de pas te faire ensorceler. Je m'endors à l'heure où le soleil se lève. À l'heure où ça te soulève. À l'heure où ton voisin est rentoulé. Moi j'ai fait des Noëls sans sapin, sans souliers. Je te représente, tu t'appelles Abdel Franck ou Soulé. C'est pour les têtes cassées qui passent en cabra en T-Max. J'ai coupé les ponts, ils sont tombés les masques. C'est pour ceux qui fight, qui boxent, cachent la marchandise d'adbox. C'est pour ceux qui évitent la bac en gros moteur quand tu es sous Glock. C'est pour ceux qui tournent en Clio 2 avec toute la clique dans la voiture. Aquarium fermé, tous lunettes de cerné. Gros, ça sent la bœuf. Et y'a les Schmitt qui passent là, ils sont cassés le cou. Accélère, on va les burner. C'est pour celles qui font pas les stars. C'est pour celles qui viennent te voir quand tu tombes et que tu finis tout seul au star. C'est pour ceux qui go fast, ceux qui coupent, ceux qui vendent. C'est pour tous les patrons et ceux qui gèrent bien leur point de vente. C'est pour ceux qui sortent le pompe si tu touches à la mama. Hein, c'est pour ces jeunes qui sont rentrés dans la mama. Matrix, c'est comme Néo, ça fait des rodéos. Ça fait du bis dans la cité, ça rend fou la Mondéo. Ouais, c'est pour ceux qui ont grandi avec Corleone ou Montana. Dites-leur que j'ai galéré dans l'ombre avant qu'ils voient bien mon talent. C'est pour ceux qui cortent le cross de bon matin. Ce qui réveille tout le quartier, ce qui rentre en espérant tomber sur le bon matin. Quand c'est joule, c'est magique, de Marseille à Paris. Et je serai encore là, ouais, moi, même si demain je serai pas riche. J'ai pas des Louis Vuitton, Décathlon, évident, bro. Puis petit, j'ai les dents, et l'album c'est imminent, bro. C'est pour ceux qui pilotent quand y'a poursuite dans la zone. Ça met jamais le casque dans la tête que ça barotte, ça fait sa ronde. Hein? C'est l'OVNI au mic, mec. C'est pas des lol. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Non, non, c'est pas des lol. C'est pas des lol. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Non, non, c'est pas des lol. C'est pas des lol. C'est pas des lol.